Alors, que va nous dire l'oracle de Béline pour nos amis taureaux pour le mois de mai 2022? Donc, bon anniversaire à certains taureaux, puisque beaucoup de taureaux fêtent leur anniversaire en mai. Pas tous, bien sûr. Alors, attention. Alors, amis taureaux, oh, il y a des invitations, du changement, de la légèreté dans l'air. Ça, c'est bien, ça va vous faire du bien. Alors, quel est le message de l'oracle de Béline pour les taureaux pour mai 2022? Taureau, vous commencez le mois avec énormément d'envie, de besoins. C'est vrai qu'il y a une. Vous ressortez comme amoureux de la vie et peut-être que même beaucoup d'entre vous sont tout simplement amoureux. Mais malheureusement, eh bien, les choses tardent. Vous manquez peut-être de démonstrations affectives ou bien l'objet de vos désirs ne semble pas vous répondre comme vous le voudriez actuellement, puisque pour certains, il y a une déception amoureuse qui s'annonce au mois de mai. Alors, donc, si vous êtes en couple, eh bien, ne soyez pas trop impatient et gardez votre calme, votre sang-froid, et dites-vous que le mois prochain sera certainement meilleur, puisqu'ensuite j'ai quand même la corne d'abondance, donc la générosité va revenir, les émotions vont circuler de nouveau, mais pas tout de suite, ce sera plus pour juin, ou fin mai en tout cas. Et puis si vous êtes célibataire, c'est pas trop le moment de faire la bonne rencontre, alors après ça ne vous empêche pas bien sûr de vous amuser. Et il est possible aussi qu'une personne que vous aviez en vue, eh bien, n'est peut-être pas du tout intéressée, c'est pas la bonne personne, mais c'est que ce n'est pas la personne qui vous est destinée tout simplement. Donc ne dramatisez surtout pas, profitez de ce joli mois de mai et sachez que les choses vont de toute façon s'arranger fin mai ou en tout cas en juin. Voilà, alors à bientôt.